Rajoute-moi des coups et rajoute-moi plus de hadiths. Mais dis rajoute-moi des coups et rajoute-moi plus de hadiths. Ceux qui suivent leur instinct et qui parlent avec leur avis sont les ennemis des paroles du prophète sallallahu Mujahid dit, celui qui a honte et l'orgueilleux n'arrive jamais à apprendre. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله سميع يسمع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات رب الأراضين والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال أما بعد من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربعة اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول والعمل شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc c'est notre deuxième cours sur les faveurs et les bienfaits de la science. Inch'Allah, nous allons continuer cette série pour montrer les mérites de l'ilm, l'importance de la science. قال الشاعر العلم مبلغ قوم ذروة الشرف وصاحب العلم محفوظ من التلف يا صاحب العلم يا صاحب العلم مهلا لا تدنسه بالموبقات فما للعلم من خلف العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف وقال الشافعي رحمة الله عليه كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وساوس الشياطين وقال أيضا إمام الشافعي رحمة الله عليه إن الفقيه هو الفقيه بفعله إن الفقيه هو الفقيه بفعله ليس الفقيه بنطقه ومقاله إمام الشافعي لدي أبيات يلدي celui qui a le savoir dans la religion, c'est pas celui celui qui a de la science dans la religion, c'est celui qui fait des actes, c'est pas celui et non pas celui qui parle et qui avance des choses avec sa bouche. Donc al-faqih al-alim, c'est celui qui passe à l'acte, c'est celui qui passe à l'acte. Et subhanallah, il a aussi d'autres paroles, Imam Shafi'i. Imam Shafi'i, rahmatullahi alayh, qala fihi Imam Ahmad, qala fihi Imam Ahmad, sahibul hadith la yashba'u min kutub al-Shafi'i. Imam Ahmad a dit sur Shafi'i, rahmatullah, il a dit, yani sahibul hadith, celui qui demande la science du hadith, c'est-à-dire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, صاحب الحديث لا يشبع من كتب الشافعي يعني صاحبي سيلي كي دماند لا سيانس سيلي كي دماند لا سيانس بحديث نورا جامي يعني aura toujours envie de lire les livres de Shafi'i aura toujours envie de lire les livres de Shafi'i donc الشافعي رحمه الله تعالى يقول لولا المحابر لخطبتي الزنادقة على المنابر يقول لولا المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. Il dit, s'il n'y avait pas les livres, en quelque sorte, s'il n'y avait pas les livres, eh ben, les hypocrites auraient parlé sur le manabir, dans les mosquées, auraient parlé. Mais quand la science est rentrée dans les livres, donc on a su différencier yani le faux et le vrai, le bien et le mal. On a su différencier le haqq wa le batil. C'est pour ça qu'il dit لولا المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. وسبحان الله تأتيني قولة العثيمين حينما كان يخاطب تلامذته، كان يقول لهم: أنا لا أريد من طلبة العلم أن يكونوا نسخا من الكتب. أنا لا أريد من طلبة العلم أن يكونوا نسخا من الكتب، ولكن أريد منهم أن يكونوا علماء عاملين. سبحان الله، notre شيخ العثيمين رحمه الله، il dit: Je veux pas de mes étudiants qui soient de genre de pages de livres. Je veux pas qu'ils soient des livres, rien qu'ils apprennent. Mais ce que je veux d'eux, c'est qu'ils soient des demandeurs de science qui passent à l'acte, qui mettent en action ce qu'ils apprennent. Inch'Allah, nous allons voir tout au long de ce dars, à quoi l'ilm sur l'ilm, nous allons voir ce qu'il dit sur la science. Et pour faire un petit rappel, la première condition de la ilaha illallah, c'est quoi? La première condition de la ilaha illallah, c'est la science. L'ilm, c'est la science. Les conditions de la ilaha illallah sont au nombre de sept. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wa qabulin laha. Première des choses, première condition, al-ilm. Deuxième condition, c'est quoi? C'est la certitude. La troisième, c'est la sincérité, ikhlas. La quatrième, al-sidq, la véracité. La cinquième, al-mahabba, l'amour. La sixième, al-inqiyad, la soumission. La septième, al-qaboul, l'acceptation. Et on rajoute huitième, kufr bit-taghut. Donc, pour vous montrer, la première des conditions de la ilaha illallah, c'est la science. C'est la science. Et, subhanallah, Ibn Jawzi, yaqul, al-hilmu wal-amalu tawaman. أمهما علو الهمة. الله ابن الجوزي يجي العلم والعمل. العلم والعمل، c'est-à-dire la science et les actes. Ce sont des frères jumeaux. La science et les actes, ce sont des frères jumeaux. Leur mère s'appelle l'envie. أمهما علو الهمة. ويقول أيضا في أخبار الحمقى والمغفلين، يقول الناس أربع، يقول الناس أربع: من الناس من يدري ويدري أنه يدري، فذلك عالم فاتبعوه أو فاسألوه. ومن الناس من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فذلك شيطان فاحذروه. ومن الناس من يدري ولا يدري أنه يدري، فذلك ناس فذكروه. ومن الناس من لا يدري ويدري أنه لا يدري، فذلك جاهل فعلموه. Il dit: les gens sont au nombre de quatre. Les gens qui savent et qui savent qui ont de la science. Ceux-là, ce sont des savants, suivez-les. Suivez-les dans leurs propos, suivez-les dans leurs fatwas. Et parmi les gens, il y a des gens qui ne savent pas. Et qui ne savent pas, qui n'ont pas de science. Ceux-là, c'est comme un shaitan, méfiez-vous d'eux. Et la troisième catégorie de gens, c'est des gens qui savent et qui savent et qui ne savent pas qu'ils savent. Et des gens qui savent et ils savent pas qu'ils ont de la science. Ceux-là, c'est des gens qui sont égarés, donc faites-leur le rappel. Faites-leur le rappel. Et la quatrième catégorie de gens, ils disent, parmi les gens, il y a des gens qui ne savent pas. Et ils savent qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils savent qu'ils ne savent pas. Ils savent qu'ils n'ont pas de savoir. Mais ils savent qu'ils n'ont pas de science. Donc ces gens-là, c'est quoi? C'est des ignorants. C'est des ignorants. Donc apprenez-leur. Apprenez-leur. Et subhanallah, Ibn al-Qayyim, yaqoul, anwa'u an-nasi, aydan, il dit anwa'u an-nasi fil mukhalata. Yubayyin anwa'u an-nasi fil mukhalata. يقول أنواع الناس في المخالطة أربعة أقسام. من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه وهم العلماء، ومن مخالطته كالدواء، ومن مخالطته كالدواء، ومن مخالطته كالداء، وهذا ضرر فيه ضرر ديني ودنيوي. والرابع، القسم الرابع، من مخالطته كالهلاك كله، يعني هؤلاء أهل الأهواء والبدع. Donc, صحابة ابن القيم ici, il nous dit, parmi les gens que tu côtoies, les gens que tu côtoies sont au nombre de quatre sortes. La première sorte de gens sont les gens qui sont semblables à de la nourriture. Donc pour vivre, il faut que tu manges. Mais cette nourriture, c'est pas une nourriture ni maddiya que tu touches. C'est une nourriture de l'âme. Et il dit, Ibn Qayyim rahimahullah dit, il y a cette sorte de catégorie de gens sans qui sont les savants. Ces gens-là, on a besoin d'eux pour nourrir notre âme, notre cœur et notre foi, pour élever notre foi. Donc, quand tu les côtoies, ça fait augmenter tes connaissances et augmenter ta foi. Deuxième catégorie de gens, ce sont des gens comme c'est comme un poison. C'est comme un poison. C'est une maladie en fait. Quand tu les côtoies, ils peuvent te contaminer. Ils peuvent te contaminer par leur maladie. Ils ont une maladie contagieuse. Pardon, ça c'est la quatrième catégorie. Ça c'est la quatrième catégorie. La deuxième catégorie, c'est des gens, quand tu les côtoies, c'est comme un dawa. Un dawa, yani hadjay, yati da min bad. Ka dawa. Dawa, yani c'est un remède. Un remède. Et la troisième catégorie, c'est comme un poison. C'est comme un poison. Yani, ils peuvent te contaminer. Mais cela, c'est qui? Yani, soit dans ta religion, soit dans ta vie de tous les jours. Ils peuvent te contaminer. Ils peuvent te faire du mal. Et la quatrième catégorie, le halak, yani, ils peuvent te tuer. Yani, la quatrième catégorie, peuvent te mener vers l'enfer. Et cela, c'est les innovateurs et ceux qui suivent leur instinct. Donc, pour récapituler, il y a quatre catégories de gens. Ibn Qayyim rahimahullah, il dit, il y a quatre catégories de gens. Première catégorie, c'est comme de la nourriture pour l'âme. Deuxième, comme un remède. Et troisième catégorie, comme un poison. Une maladie contagieuse. Et quatrième catégorie de gens, ils disent comme le halak. C'est le halak, c'est tu fonces dans l'égarement et total. Donc, nous avons vu les dire un peu des prédécesseurs sur la science إيه سبحان الله، ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول في دعائه، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. Il disait, oh Allah, on t'implore pour que tu nous rajoutes plus de foi et plus de certitude et plus de science. Plus de science. Il demandait la science. Il demandait la science. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, min hadith Abi Huraira radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. حديث أخرجه الترمذي. Il dit: celui à qui on demande une question et qui montre pas la réponse, une question bien sûr dans la religion, et qui montre pas la réponse et qui il garde cette réponse au fond de lui alors qu'il la connaît, Allah lui fermera la bouche avec une anse, avec quelque chose en enfer. Il lui fermera sa bouche yawm al-qiyama avec quelque chose en enfer. Et subhanallah, lorsque Ali radiallahu anhu était malade, il a dit qui pourrait descendre voir le qawm. Ils ont dit, Liu Ali, il a dit, Liu Ali, ils ont dit, ouais, il est malade à son œil. Donc, on l'a appelé, Ali, il est venu. Alors, le prophète, bon, il a craché, il a envoyé quelque chose à la Aïnihi. Il a craché comme ça, il a craché sur son œil. Ali, bi'idnillah, il asbaha, jayyid as-siha. أصبح معافا في جسده. ثم ماذا قال له؟ قال له فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الله يقول لك vas-y descend, on va les voir. Si Allah s'est guidé grâce à toi un homme, un seul homme parmi eux, c'est mieux pour toi que حمر النعم. يعني c'est une sorte يعني de belle créature. C'est des créatures comme des animaux. Et au temps du prophète, Hamour Niham, c'était la plus belle des choses, en fait, qu'ils avaient. Hadith Akhrajah al-Bukhari. Wa yaqulu alayhi salatu wa salam, fi hadith tawil, min hadith Abi Huraira radiallahu anhu, hadith fi Akhrajah al-Muslim, qal alayhi salatu wa salam, idha mat ibn Adam, inqata'a amaluhu, illa min thalath. إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والشاهد عندنا علم ينتفع به. الخوفي صلى الله عليه وسلم في الحديث: si l'être humain meurt, tous ses actes seront mis à fin, seront terminés, sauf trois choses. Il dit, première des choses, صدقة جارية. Il a fait une aumône, donc cette aumône, elle grandit au fur et à mesure. Allah l'a fait grandir, comme c'est dit dans un autre hadith. La deuxième des choses, il a laissé une science que les gens utilisent. Il est venu dans un petit village, il leur a appris l'arabe, donc ce village transmet cette langue. Donc c'est lui qui aura l'ajr. Et la troisième chose, waladun salih yad'u lah. Il a laissé un enfant salih, à la charte. Il a laissé un enfant, mais qui est pieux, sage, qui lui fait des invocations. Donc, ces invocations, il y arrive. On parle à alayhi salatu wassalam, Balliru anni walaw ayah. Balliru anni walaw ayah. Uhadithu an bani Israël wala haraj. Wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu min an-nar. On parle à alayhi salatu wassalam, الدنيا ملعونة. الدنيا ملعونة. ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالم أو متعلم. Prophète صلى الله عليه وسلم il dit la vie ici-bas La vie ici-bas est maudite. La vie ici-bas est maudite. Sauf quoi? La vie ici-bas est maudite et maudit tout ce qu'il y a dessus. Sauf l'invocation d'Allah Azzawajal. Et ce qui va avec. Aou, alimun, ou muta'allim. Et un savant ou un demandeur de science. Ces choses que le prophète a citées ne sont pas maudites. Ne sont pas maudites. Donc, subhanallah, l'insan, la yahsad akhahu ala shay illa idha atahu Allah ilma. وهذا الحسد لا ليس هو بحسد لزوال النعمة التي أنعم الله على هذا الأخ، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: لا حسد إلا في اثنين، لا حسد إلا في اثنين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حديث في أخرجه البخاري. Le prophète sur la semaine dit, il n'y a pas de jalousie, sauf dans deux choses. Un homme que Allah lui a donné de l'argent, donc il est en train de la mettre fi sabilillah dans le haqq. Et un autre homme que Allah lui a donné la science, il lui a donné le hikma. Il a donné la science, donc il est en train de la faire, de la propager et de la prendre aux autres. جاءت كلمة الحكمة جاءت كلمة الحكمة في القرآن سورة البقرة قال الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال مجاهد الحكمة هي الفقه والعلم الحكمة هي الفقه والعلم يعني الله عز وجل قال في سورة البقرة Et celui qui reçoit Al-Hikma recevra beaucoup de bien. Recevra beaucoup de bien. Mujahid a dit Al-Hikma, c'est quoi? C'est Al-Fiqh wal-Ilm. C'est le savoir et la science. C'est le savoir en religion et la science. Donc la science, subhanallah, te fait élever en degré, comme on a vu dans des versets. La science et le savoir est la couronne que chaque musulman devrait et chercherait à mettre sur sa tête. Et, subhanallah, les savants et les salafs ont dit, on laisse la place à trois si on est dans un majlis, si on est dans une assise, si on est assis avec des gens. On fait de la place à trois catégories de gens. C'est quoi ces trois catégories de gens? La première catégorie de gens, Hamil al-Qur'an. Hamil al-Qur'an. On lui prépare une bonne place dans la sunna. Deuxième catégorie de gens, Sahib al-Hadith. Sahib al-Hadith, on lui fait de la place. Troisième catégorie de gens, c'est qui? Il dit Shaybatin fil Islam. Une personne âgée. Avec une barbe blanche, une personne âgée, quelle que soit sa forme. Cette personne, on lui fait la place dans la science. Donc, l'ilm te donne de l'importance. Te donne de l'importance. Wa subhanallah, ta'tini qissat Hisham ibn Ammar. Hadi al-qissa, al-tarifa. هشام بن عمار هذا شاب باع أبوه بيت البيت وقال ودفع له الأموال وقال له اذهب وسافر إلى أنس بن مالك لكي تطلب منه العلم الله يعني هشام بن عمار هذا كان جون en fait il habitait à la Mecque son père a vendu la maison il lui a donné l'argent avec laquelle il a vendu la maison il lui a dit pas voir Anas ibn Malik pour que tu puisses demander la science auprès de lui. Donc ce jeune, il est parti voir Anas ibn Malik et il est arrivé à Médine. Il est rentré. Il voulait se rapprocher trop près de Malik. Malik avait des attaqueurs, avait des soldats qui protégeaient ou qui étaient là. pour monter la garde, s'il y avait des gens qui voulaient porter nuisance aux musulmans ou quoi que ce soit. Donc, il a ordonné à ses gardes de sortir le jeune. Donc, il y a deux riwayats. Il y a une riwaya qui dit comme quoi ses gardes ont donné 17 coups au jeune. Une autre riwaya qui dit 15 coups. 15 coups. Donc, ils ont tapé ce jeune. Et ce jeune, il est sorti de la mosquée, il pleurait. Donc, Imam Malik, كان يستحضر مراقبة الله عز وجل. Donc, il est sorti et il lui a dit, أوجعتك. أوجعتك. فقال له الغلام, والله, لقد باع أبي البيت وقال, اذهب لكي تطلب العلم عند مالك. والله, لقد ضربتني بغير جرم ارتكبته. والله يا مالك, ما جعلتك في حل. Il lui a dit, mon père a vendu la maison, il m'a dit, va demander la science auprès de Malik. Et tu m'as tapé sans que je fasse aucun mal. J'ai rien fait de mal. Tu m'as frappé. Donc, Malik lui a dit, Wama yurdik. Il lui a dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Il a dit, tu me donnes pour chaque hadith, pour chaque coup que tu m'as donné, tu me donnes un hadith. Pour chaque coup que tu m'as donné, tu me donnes un hadith. Donc, قال الإمام مالك خذ عندك قال فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الأول الحديث الثاني قال فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع حتى وصل إلى ماذا إلى 17 حديث فقال له الغلام زدني زدني أي زدني من الأحاديث فقال له الإمام مالك لا ضربتك 17 ضربة وأعطيتك بالمقابل 17 حديث فقال له الغلام يا مالك زد في الضرب وزد في الحديث زد في الضرب وزد في الحديث يجي يا مالك راجوت ما ديكو اي راجوت ما بلس دو حديث يجي راجوت ما ديكو اي راجوت ما بلس دو حديث قال عمر رضي الله عنه أصحاب الرأي أعداء السنن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا الله عمر رضي الله عنه الفاروق يقول يعني ceux qui suivent leur instinct et qui parlent avec leur avis sont les ennemis des paroles du prophète صلى الله عليه وسلم sont des ennemis des ahadith. Ils n'ont pas réussi à les apprendre. Ils ont fait quoi? Ils n'ont pas réussi à les apprendre et à les comprendre. Ils ont parlé avec leur avis. Ils se sont égarés et ils ont égaré les gens. Ils ont égaré les gens. Donc, subhanallah, comme il dit Ali radiallahu anhu, Al-hawa yasuddu anil haqq. Al-hawa yasuddu anil haqq. Wa yaqulu Ali, karramallahu wajha. ورضي الله عنه وأرضاه يقول العلم خير من المال العلم خير من المال لأن العلم يحفظك وأنت تحفظ المال لأن العلم يحفظك وأنت تحفظ المال هذا يجي la science est meilleure que l'argent la science est meilleure que l'argent pourquoi parce que toi tu protèges l'argent Et subhanallah, la science se protège. Pourquoi? Si on regarde les hadiths du prophète, والسلام, comme hadith de Sahih al-Bukhari, ma fa'ala asiruka ya hadith Abu Huraira, yani, حينما قال له, إذا أتيت فراشك, فقرأ سورة, فقرأ آية الكرسي, فإنه لا يقربك الشيطان. Subhanallah, يعني hadith, Si tu lis Ayat al-Kursi avant de dormir, Shaitan ne pourra pas s'approcher de toi. Donc, ici, voilà les faveurs de la science. La science se protège. Quand tu mets en pratique des versets, Allah te protège. Allah te protège. Et donc, Hada Qatada ibn Du'ama, yaqul aydan, يعني يبين لنا كيف نتعلم العلم ومتى نتعلم العلم يقول النقش العلم في الصغر العلم في الصغر كالنقش على الحجر يجي le fait d'apprendre dans un plus jeune âge, lorsqu'on est petit, et comme le fait de graver sur des pierres. Et comme le fait de graver sur une pierre. Il dit, quand on apprend le savoir et la science dans un plus jeune âge, ben c'est comme le fait de graver sur une pierre. Allah. Et on remarque les jeunes et nos enfants, quand on les fait rentrer dans des écoles coraniques, ils apprennent facilement. Parce qu'ils ont zakira, farira. Ils ont zakira, ils ont en fait leur mémoire est vide. Ils arrivent facilement à ancrer les choses, à ancrer les paroles. Contrairement à une personne qui a la quarantaine ou qui est arrivée à un certain âge, elle a du mal à apprendre. Parce que quoi? Parce qu'en fait, elle a tellement de problèmes, elle a tellement de choses dans la tête qu'elle n'arrive pas à ancrer d'autres choses. Elle a la mémoire pleine. La mémoire, elle est pleine. Donc, on a vu Qawlat Mujahid, Sahih al-Bukhari, La yata'allamu mustahi wa la mutakabbir. Mujahid dit, celui qui a honte et l'orgueilleux n'arrive jamais à apprendre. Donc, celui qui est orgueilleux et celui qui a honte, Allah, n'arriveront jamais à apprendre. Et comme Umuna Aisha radiallahu anha qalat, رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهوا في الدين. أمنا عائشة رضي الله عنها تقول يعني دي جان دي لي فام لي زانصاريت كالله فاس ميزيريكورد سور لي زانصاريت يعني لا يعني لا اونت و لو في دافوار اونت نو ليزا با امبيشي دو سانسكروير دون لو ريليجيون ils avaient pas honte, ils voulaient s'inscrire, ils voulaient savoir احكام يعني احكام الجناب احكام النفاس احكام يعني الغسل يعني ils n'avaient pas honte, ils voulaient apprendre, ils voulaient se rapprocher d'Allah عز وجل. Donc la science te fait élever, la science est un bonheur, la science comme il a dit, comme حتى السلف قال والله لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من السعاده لجالدونا بالسيوف. يعني عند السلف il a dit si يعني les rois, les fils des rois savaient dans quel bonheur on est, ils nous combattraient avec leur épée. Allah, ouais. Si tu regardes, Allah, beaucoup de gens qui ont la science, ils ont passé leur vie à lire et à écrire, ils ont laissé de côté Dunya, ils ont laissé de côté Allah, tout ce qui va avec Dunya, ils se sont mis à l'écart et en fait ils passaient toute leur journée comme Cheikh Albani, rahimahullah, passaient toute sa journée à lire 12 heures par jour dans sa bibliothèque. Ils avaient là la clé. Al-Aqrab, Aqrab, Al-Aqrab. De première nécessité, comme ça, ils ont donné. Donc, l'ilm, huwa al-tariq. L'ilm, huwa al-tariq. وإذا جاء النص بطل العقل يعني ليش يعني ليش هذا مع النص يعني في النص في هنا فت ان دليل كلير sur ça que Cheikh Al-Uthaymeen il dit il s'adil ثم اعتقد ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. يعني دي سبحان الله يعني faut avoir le dalil, il faut avoir le dalil. Et le prophète صلى الله عليه وسلم nous a tout laissé, c'est à nous de chercher la science et de savoir ce que notre prophète عليه الصلاة والسلام nous a appris, nous a enseigné, il nous a enseigné même comment on fait pour rentrer aux toilettes. Comment on fait pour rentrer aux toilettes? Comme c'est dit dans un hadith, il nous a montré comme quoi on s'asseyait sur la jambe gauche et qu'on pliait la jambe droite. Et comme il a dit Abu Dharr al-Ghifari ou Abu Dharda, tarakana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ma min ta'irin yuqallibu jamahihi fi sama' illa wa huwa yadhkuru lana minhu hidma. Sahaba, yani Abu Dharr al-Ghifari ou Abu Dharda, ils ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé, il n'y a pas un oiseau qu'il vole dans le ciel, et le prophète nous a montré sa façon de voler. Il nous a montré comment l'oiseau volait. Donc le prophète nous a laissé Al-Bayda, Al-Mahajj Al-Bayda, Al-Bayda. Donc, si on arrive avec une chose en plus, on va salir la religion, on va salir en fait ce que le prophète nous a laissé. Donc, le prophète nous a tout montré. Il n'y a pas, le cerveau n'a pas de valeur en islam que si il va en adéquation avec le délit, avec la preuve. S'il est en adéquation, si il va, il, si il est en adéquation avec le délit, on le prend. S'il va à l'encontre du délit, on ne prend pas le cerveau. On ne prend pas, on peut pas marcher le cerveau. Comme il a dit Ali radiallahu anhu, لو كان الدين بالرأي لكان المسح أعلى الخف أولى لكان المسح أسفل الخف أولى من أعلى. Si en fait, la religion, si on faisait marcher le cerveau dans Ali radiallahu anhu dit, si on faisait marcher le cerveau dans la religion, le masah al khufayn, si on marche, c'est ce qui est en dessous des pieds, c'est ce qui est sale, donc c'est ce qu'on doit essuyer. Mais le prophète Hassan nous a montré comme quoi on passe nos doigts, on passe nos mains sur nos chaussettes ou sur un khufayn. Et ça, là, si on fait marcher Ali, non, on doit passer les mains en dessous des pieds. Donc Ali, il dit, si on faisait marcher le cerveau, on aurait passé les mains en dessous des pieds. Mais alors, le prophète nous a montré le contraire. Donc on suit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Tout simplement. Donc, le cerveau n'a pas d'importance, sauf s'il va en adéquation avec le délit. Et il y a aussi un hadith sur munadarat al-aql ma'a al-ilm. علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد حاز الشرف فقال العلم أنا أحرزت غايته وقال العقل أنا الرحمن بي عرف فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الرحمن بأين الرحمن في كتاب في قرآنه اتصف فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف. C'est une discussion entre le cerveau et la science. La science dit au cerveau, en fait, ils ont eu en fait une divergence. La science et le cerveau ont eu une divergence. Qui a reçu le prix Nobel, en quelque sorte? Qui a reçu le prix Nobel? La science a dit, c'est moi qui ai reçu cet objectif. C'est moi qui ai reçu cet objectif et cette faveur. Le cerveau a dit, c'est grâce à moi que Ar-Rahman a été reconnu. فأفصح العلم إفصاحا وقال له يعني العلم a bien réfléchi et a bien réfléchi et il lui a dit c'est qui d'entre nous que Allah dans son Coran s'est décrit, c'est qui entre nous, est-ce que Allah s'est décrit comme يعني عالم أو عارف أو عاقل. Allah عز وجل لا يوصف إلا بأعلى الصفات. Donc العقل فبان للعقل أن العلم سيده. يعني سبحان الله العقل a très bien vu comme quoi la science était son maître. A vu comme quoi la science était son maître. فقبل العقل رأس العلم وانصرف. Donc qu'est-ce qu'il a fait? العقل a embrassé la tête de la science et il est parti et a pris son chemin. Donc nous avons vu comme quoi la science était très importante et que les savants, les savants c'est quoi? C'est comme si, les savants c'est comme des étoiles. Sans étoiles on peut pas, tu peux rien voir. Les savants c'est comme des lampes dans une ville. S'il n'y avait pas ces lampes, la ville aurait été obscure. Donc les savants nous montrent le chemin. Nous, les savants, on doit les respecter, on ne doit pas les insulter. Si on prend la science chez eux, subhanallah, certains salafs, faisaient quoi quand ils allaient voir leur cheikh? Ils jetaient une sadaqa sur le chemin pour aller voir le cheikh et ils disaient Allahumma rudd yani aiba shaykhi hatta astafid minha. Ils disaient Allah, yani fais en sorte comme quoi je ne vois pas les défauts de mon cheikh jusqu'à que je profite de lui. Fais en sorte que je vois pas les défauts de mon cheikh jusqu'à que je profite de lui. هذا هو الطريق العلم والعلم والعلم والعلم.